Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Mungwato bariki mangaribi aleo. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, l'Église primitive, après la Pentecôte, les choses ont changé. Leur caractéristique était la persévérance. Ils persévéraient en prière, ils persévéraient dans les enseignements, ils persévéraient. Il n'y a pas de véritable vie chrétienne sans la persévérance. Nous devons toujours persévérer, parce qu'avec la persévérance, nous entrerons dans notre destinée. Alléluia. Nous disons merci à Dieu qui nous fait grâce ce soir de nous tenir encore une fois debout devant vous, peuple de Dieu. Nous bénissons la grâce du Seigneur. Ce n'est pas par notre force que nous sommes en ces lieux, c'est par la grâce du Seigneur. Sans la grâce, nous sommes inutiles. Sans la grâce de Dieu, nous sommes rien. Sans la grâce de Dieu, nous sommes sans valeur. Ce qui nous donne de la valeur sur la terre, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu soit loué ce soir. Nous disons merci à notre papa pour cette marque de confiance qui ne cesse de manifester à notre égard. De partout où il est, que Dieu le bénisse, ainsi que ses collaborateurs. Que Dieu vous bénisse aussi, vous qui êtes là, parce que vous avez choisi la meilleure part. Alléluia. Nous voulons parler du sous-thème de ce mois. Dieu te veut en pleine santé. Dieu te veut en bonne santé. Nous lisons Actes des Apôtres, le chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au troisième. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Amen. Amen. Dieu te veut en bonne santé. Dieu te veut en pleine santé. Et si nous lisons 3 Jean, le chapitre 1er, le 2e verset, écoutez ce que la Bible dit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Namungu anapenda tena uwe en bonne santé. Même dans la santé spirituelle. Mungu anapenda uwe en bonne santé à tous égards. Sur tous les plans. Dans tous les domaines. Mungu anapenda uwe en bonne santé. Et ce soir, nous voulons parler un peu de la santé spirituelle. Pourquoi le monde aujourd'hui, le monde actuel, est contrôlé par le spiritisme? C'est le monde spirituel, le monde des esprits qui est au contrôle. Alors ce soir, nous voulons parler de la santé spirituelle. La fois passée, Tourissem, si Dieu nous veut en bonne santé, cela veut dire que la maladie existe. La maladie spirituelle existe. La maladie sur le plan financier existe. Même sur le plan physique, la maladie existe. Or, la maladie, nous avons dit que la maladie, c'est un dérangement de la santé. Quand quelqu'un est malade, c'est-à-dire la santé est dérangée. Il est dérangé dans sa santé. Et la Bible nous dit que Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Et pendant qu'ils montaient, avant d'entrer dans le temple, dans la cour du temple, il y avait une porte principale pour entrer. C'est là où on avait déposé cet homme malade. Parce que lui, avec sa famille, son objectif n'était pas d'aller prier, chercher Dieu. Ça, on avait déjà parlé. Mais ce soir, nous voulons parler de la bonne santé spirituelle. Pourquoi Dieu nous veut en bonne santé? Parce qu'un malade spirituel ne peut travailler. Vous serez d'accord avec nous. Comme mon Dieu est malade, avez-vous qu'on fait un cage? Comme mon Dieu est malade, il ne peut pas manger normalement parce qu'il est malade. Il est dérangé dans la santé, dans son sommeil. Il est dérangé. Des fois, on a un appétit. Pourquoi? Parce qu'il est malade. Et comment faire pour être en bonne santé spirituelle? Parce que Dieu veut que chacun de nous prospère. Pour être en bonne santé spirituelle, la première chose que nous devons faire, c'est être à la place où Dieu nous a établis. Alléluia. Être à la place où Dieu nous a établis. Rester à la place où Dieu t'a établi. Plusieurs sont malades. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'église, mais ils tâtonnent à tout moment. Il n'est pas à la place où Dieu l'a établi. Il peut faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, il peut être ici. Demain ailleurs, il est avec nous. Après demain, il quitte l'église, il va dans une autre église. Cet homme est malade parce que jusque-là, il ne sait pas encore où est-ce que Dieu l'avait établi. C'est un homme malade sur le plan spirituel. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Nous sommes ensemble. Un homme qui n'est pas stable dans la foi, c'est un homme malade et qu'on a tâtonné. Il ne sait même pas pourquoi Dieu l'a appelé. Il ne sait même pas pourquoi il est dans l'église. Il peut commencer quelque chose, il arrête. Il fâche écho. Il n'est pas stable. C'est un malade spirituel. Nous lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 15, le 16e verset. Jean chapitre 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Je vais parler ce soir. Alléluia. Même s'il n'y a pas de amen, ce n'est pas un problème. Amen. Dieu veut qu'on parle. Amen. Et moi, j'aime quand les gens ne disent pas amen. Quand on va dire amen, je crois que y a une guerre amoureuse. Alléluia. La Bible dit, ça c'est Jésus qui le déclare. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous. Aina mungu, aina mweye, murichakula mungu. Na Yesu yuko nasema, ce n'est pas vous. Aina mweye njo richakula mungu. J'aime le version du semeur. On peut retrouver ça. Dans la version du semeur, la Bible dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non. Alléluia. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non. C'est-à-dire quoi? La personne qui est choisie par Dieu, achita fanya kiyote kila napenda kufanya. No. Awezi kwenda fashi yote anapenda kwenda. No. Il peut être quelque part, ça ne marche pas, il est là. Dieu aina ye richakula bakie pale, c'est Dieu qui l'a choisi. Cet homme-là, on peut le faire du mal. Ce n'est pas dire que quand on le fait du mal, il quitte, il abandonne, il se décourage, il se retire. Non. C'est pourquoi du semeur en asema, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non. Non. Ce n'est pas vous. Mais c'est Dieu qui nous a choisis. Et la Bible dit, c'est lui qui nous a établis. C'est Dieu qui nous a établis. Je suis à la source féconde parce que c'est Dieu qui m'a établi. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas lui, c'est Dieu qui m'a établi ici. Bipande bishuke, biendeke bishendeke, je serai toujours là parce que c'est Dieu qui m'a établi. Alléluia. Donc ce n'est pas vous. Dieu comme quoi chi benyeu. Il peut se dépendre na chi. Or, quand nous sommes établis, c'est-à-dire que Dieu nous a fixés. C'est Dieu qui nous a fixés. Mungu a tout fixé. Anatuikarisha, il nous installe. Il nous installe dans un lieu. C'est Dieu qui nous a installés ici. Ce n'est pas un homme. Être en bonne santé, il faut être à la place où Dieu t'a établi. Où est-ce que Dieu t'a établi? Wapi Mungu alikuweka? Wakati Mungu alikuita, alikuweka wapi? Et jusque là, tu es où? Tu es où? Tu es où, bien-aimé? C'est Dieu qui nous établit. Il nous établit dans sa maison. Non pas à la porte comme cet homme malade. Cet homme était boiteux de naissance. Donc il était malade. On le plaçait de temps en temps dehors. L'homme qui n'est pas établi, il est à la porte. Il n'a pas de place dans la maison de Dieu. Mais toi tu as une place dans la maison de Dieu parce que tu as été établi par Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui nous établit. C'est Dieu qui nous appelle. Et il nous indique la place et le lieu où nous devons être. Mais un homme malade, spirituellement, il ne peut comprendre ces choses. Et pourquoi Dieu nous établit? La première chose, avant cela, nous voulons lire. Pour dire que nous ne pouvons pas faire du n'importe quoi dans l'église, mais nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Ce que Dieu nous indique à faire dans l'église. Deux Chroniques, chapitre 26. C'est une longue histoire, mais je vais aller vite. Deux Chroniques, 26. À la maison, nous pouvons lire tout le chapitre pour comprendre ce qui s'était passé. Mais je prends le 16e verset. La Bible dit, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent, tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient au sacrificateur fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Verset 19. La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel. Le verset 21, le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme le preux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Amen. C'est Dieu qui nous établit et nous devons rester à la place où Dieu nous établit. Bible en ancien Madu, il y a roi Ozias. Son père s'appelait Amatia. Après la mort de son père, on a pris son fils Ozias en moins qu'à place et Baba Yake pour être roi en Juda. Biblia nasema nini? Alifanya bintu bya mingi ili atupende kurudia mu madetail yote. Il a fait beaucoup de choses. Comme son père. Alianza mzuri, anatembea mzuri. Alifanya ma exploit ya mingi. La Bible dit, après un temps, il était enflé d'orgueil. Dieu appelé Arifai. Mais Dieu l'avait établi comme roi. Un jour, à cause de son orgueil, il est entré dans la maison de Dieu. À la place des sacrificateurs, anaza kufanya ma sacrifice, ma kaji yaba sacrificateur. Et la Bible dit, les sacrificateurs se sont réunis. Dieu a comme reproché, ce n'est pas bien ce que tu fais. Lui n'était pas content du reproche. Il s'est irrité. À l'instant même, il était frappé par la lèpre. Lui qui était roi. Jusqu'au jour de sa mort. Pourquoi? Il a oublié sa place. Il a oublié sa place. Il est resté malade jusqu'au jour de sa mort. Bien-aimés, nous devons être à la place où Dieu nous a établis. Pourquoi rester à la place dans la maison de Dieu où Dieu nous a établis? La première chose, c'est pour goûter ses bienfaits. Si nous restons à la place où Dieu nous établit, nous allons goûter les bienfaits de la maison de Dieu. Parce que c'est dans la maison de Dieu où Dieu nous guérit quand nous sommes malades. Alléluia. Psaume 65, le quatrième verset. Psaume 65. Dans d'autres versions, c'est le cinquième verset, psaume 65. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Amen. Nous nous rassasierons du bonheur de la maison de Dieu. Donc le bonheur se trouve dans la maison de Dieu. Pourquoi rester à la place où Dieu nous a indiqué? Dieu a dit réjouir, pour se réjouir du bonheur de la maison de notre Dieu. La deuxième chose, c'est pour participer à son œuvre. Celui qui doit participer, c'est celui qui est en bonne santé spirituelle. C'est celui-là qui doit participer. La Bible dit dans Hébreux chapitre 3, le 14e verset, que nous sommes participants de Christ. Nous sommes participants de Christ. Manaki tukuna uzuria pamoja na Christ, même dans son œuvre. Nous sommes participants. Dans le royaume de Dieu, nous sommes participants. Bien-aimé serviteur de Dieu, tu dois participer. Dieu nous appelle des participants. Nous sommes devenus participants de Christ. Tu dois participer à l'œuvre de Dieu, tu dois participer. Vouloir ou pas, quand Dieu nous appelle, nous devons participer. Cela ne dépend pas de nous. Ni mungu anatufanya ba participants banduku. Nous devons participer à l'œuvre de Dieu. Aba pache ba tu sukume, ba tu kokote, ba tu bembeleche, ba seme, ba capacité ra seme. Dieu tu shimame. Non, non. Nous devons participer à l'œuvre de Dieu selon ce que dit sa parole. Participants de Christ. C'est pourquoi Jésus a dit, mon Père agit, mon Père travaille, moi aussi j'agis, je travaille encore. Alors nous en tant que participants, si le Père travaille, Christ travaille, nous tous nous devons travailler. Celui qui ne travaille pas, il est malade spirituellement. Parce qu'il n'a pas compris pourquoi Dieu l'a appelé. C'est pour participer. Tu es dans les cultes, tu dois participer à la louange, à la prière, aux offrandes, aux adorations, tu dois participer. Dieu qui le mungu na tuitia, tout comme participant. Mon royaume yake, ba participant. Atuna ba spectateur. Les spectateurs, quand ils entrent dans l'église, ni Dieu a kuangaria, ile mambo kuna fanyika, biguje, korali kuje. Modérateur, enfant, Et on a corrigé, Parce qu'il y a un spectateur. Mais toi et moi, nous avons affaire, nous sommes participants. D'une manière ou d'une autre. Qu'il faut établir pour un service. Vous êtes maman président. Maman présidente, vous êtes président. Vous êtes responsable quelque part. Vous êtes membre de comité. Vous êtes serviteur, servante. Dieu nous appelle à participer. Nous devons participer, bien-aimés. Nous devons participer. L'église primitive, c'était une église terrible après la Pentecôte. Terrible. Après quelques jours, après la Pentecôte, les jours d'abord de la Pentecôte, ils ont reçu la parole. 3000 âmes sauvées. Après la Pentecôte, Pierre et Jean montent au temple. Banafanya miracle, le boiteux est guéri. Ce jour-là encore, Banengiamou 5000 âmes. Dans quelques jours seulement, 5000 âmes déjà sauvées. Pourquoi? Parce que les disciples, les apôtres participaient à l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, nous devons participer. La Bible dit nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc si on ne travaille pas, nous sommes malades. Nous avons besoin d'être guéris pour servir le Seigneur. Nous avons besoin d'être guéris. Et Dieu déclare, sois en bonne santé pour le servir. Alléluia. La troisième chose, c'est pour porter des fruits. Nous sommes établis par Dieu pour porter des fruits. Muchikani ya malari tatosha matunda ya muzuri. Muchikani. Muriona wapi? Muchi ya kukauka. Muchi ile kumweta ya mubaya. Eske noweza kutosha matunda ya muzuri? Muchi ya malari. Eske noweza kutosha matunda ya muzuri? Or, quand Dieu nous établit, c'est pour porter des fruits et des fruits qui demeurent, des bons fruits. Nous devons porter des bons fruits dans ton travail, dans ton ministère, partout où tu as été établi. Ukuna itachi, pour porter les fruits. Dieu nous attend. Parce que la Bible dit, tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté dehors. Muchi ya malari, taitukuna, taitupa enji. Nous devons être guéris pour participer à l'œuvre de Dieu. Dieu nous attend à produire des fruits. Luc 3, le 9e verset. Luc chapitre 3. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Muchi yote haitatosha matunda bataikata. Banduku na badada tunapasha kutosha matunda na matunda ya mzuri. Paske mupanga iku tayari deja kule chini ya muchi juu ya kukata muchi yote ile haitoshe matunda. Nous devons produire de bons fruits. Mais l'arbre malade ne peuvent jamais porter de fruits. Ce soir, quel est ton état? Es-tu malade spirituellement? Un homme malade spirituellement n'avance pas. Ekwa bujitu, ekwa kukokota, parce qu'il est malade. Il vit dans le péché. C'est une maladie. Zambie, ni Malawi. Nous devons être guéris pour bénéficier des grâces de Dieu dans sa maison. Ô bien-aimé dans le Seigneur, quel est ton état? Quelle est ta position ce soir? Cet homme était à la porte. Mais Dieu, quand il nous appelle, nous ne devons jamais être à la porte. Dieu nous fait entrer dans sa maison, ton encore participant, et il nous établit pour le travail. Ce soir, où es-tu? Que fais-tu dans la maison de Dieu? Que fais-tu dans la maison de Dieu? C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a établi. Ce soir, nous voulons être guéris. Alléluia. Na pena to ponyeshe, Mungu atuponeshe. Malaria kiro, ikunaua kiro. Ikunaua kiro. Kama malaria kiro inabamba mtu, utakufa. Paka vile ya kimwili na uwaka mwili na ya kiro, malaria kiro inauwaka mtu. Malaria ya kiro kama inayala mukanisa banduku. Kanisa itakuwa bujito. Imaginez, tu as une entreprise, mais tous sont malades. Donc ces jours-là, personne ne travaille. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Ce qui se fait à la source centrale, c'est ce qui se fait à la source Kampump, c'est la même chose à Jolicite. Les gens n'aiment pas participer pendant les heures qu'il faut. C'est la même chose. C'est une maladie, frère. C'est une maladie. Nous devons être guéris. Moi, je vous parle en tant qu'enfant de la maison. Nous sommes malades spirituellement. Nous avons besoin d'être guéris. Une église vivante, les gens persévèrent. Ils persévèrent. Ils ont la soif. Ils ont le courage, ils ont le zèle de se retrouver ensemble, le zèle de servir Dieu. Cette église n'est pas malade, cette église est vivante. Les gens en bonne santé spirituelle. Nous avons plusieurs serviteurs dans notre église, plusieurs serviteurs malades, malades. Comment tu vas nous donner la responsabilité? C'est fini, c'est fini. Il arrête sa marche. Tu es malade spirituellement. Tu es malade. Nimba papa qui fait un reproche, nous avons tout, on a replié. Il ne peut pas avancer. On a chabioté. Il ne peut pas servir le Seigneur. Il abandonne l'église. On a un compte goutte par mois. Parce que je me reprochais. Parce que Barim corrigé, nous sommes malades, nous avons besoin d'être guéris. Et le seul qui peut nous guérir, c'est Christ Jésus ce soir. Le responsable se poumonne de temps en temps. Il parle, mais les gens ne font rien. C'est une maladie, je vous dis. Il peut y avoir des séminaires, des enseignements et des enseignements. Mais les gens restent à une même position. Les gens n'avancent pas. Nous sommes appelés selon la parole de Dieu. Et quand il faut marcher dans la vie chrétienne, nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Après, nous avons dit, mon principe est, moi je dois être ceci, moi je dois faire cela. Non, non. Dieu a ses principes. Quand il faut marcher avec Dieu, nous devons suivre sa parole. Et sa parole nous montre la direction que nous devons suivre dans notre vie. C'est pourquoi la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. C'est la parole qui doit nous éclairer, bien-aimés. Or, nous devons quitter cet état de la maladie. Dans tous les départements, il y a toujours la maladie. La maladie au choral, à l'évangélisation, à l'intercession. Les gens sont malades. Hier, je suis parti à Joli Site à l'heure de l'intercession. Il n'y avait personne. Mais il y a des intercesseurs. Bien-aimés, nous devons comprendre que Dieu, quand il nous établit, c'est pour travailler. Plus nous travaillons, plus Dieu nous visitera. Alléluia. Nous voulons prier ce soir que Dieu nous guérisse. Que Dieu guérisse la source féconde. Que Dieu guérisse les fidèles. Que Dieu guérisse les serviteurs et servantes. Que Dieu bénisse chacun de nous, ô bien-aimés, pour rentrer dans la bonne voie et marcher selon la parole de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents. Rester violent, c'est rester soumis. Rester violent, c'est rester attaché. Rester violent en aimant le Seigneur. Rester violent, prêt à tout, à donner sa vie pour le Seigneur. Rester violent. Dieu nous attend à beaucoup de choses. Mais nous devons d'abord écouter qu'est-ce que Dieu nous demande pendant ce temps. Je suis ancien de l'Église. Est-ce que j'ai fait mon travail? Est-ce que je suis à la place où Dieu m'avait indiqué? Je suis diacre. Je fais quoi? Je suis responsable quelque part. Je fais quoi à l'Église? Je fais quoi? Bien, je suis ancien de nom. Wanjina. Je parle de moi. Pas d'autres anciens. Je parle de moi. Bien, je suis ancien de nom. Je suis choriste de nom, serviteur de nom. Ce soir, nous avons besoin d'être guéris de toutes ces maladies, l'irrégularité, les absences, le découragement, la fatigue, l'abandon. L'indiscipline. Il y a autant de maladies spirituelles qui nous empêchent à marcher avec Dieu, marcher avec le Seigneur. Tel qu'il est, tel nous sommes. Dieu est fidèle, nous devons être fidèles. Dieu nous aime, nous devons aussi aimer notre Dieu. Dieu donne tout pour nous. Nashitu na pasha nashiku lenda. Biote kwa ke Mungu. Tu vile Mungu weko. Tu vile tunapasha kui. O Mungu atusaidie. Atuponeshe mangaribi ya leo. Quelle est ta maladie spirituelle ce soir? Tu dois prier pour toi-même. La maladie nous bloque. La maladie spirituelle nous bloque. Nous empêche d'avancer dans le Seigneur. Ce soir, que Dieu nous aide. Mungu anisaidie. Mungu akusaidie. Mungu atusaidie shimote. Mungu asaidie kanisa yetu. Mungu asaidie bado. Tunahangaika mashiku ya mingi. Tunateswa mashiku ya mingi. Bana tusumumuzia me wapi tunabakia paka bantu mamoe. Cela veut dire que nous sommes malades. Nous avons besoin d'être guéris spirituellement ce soir. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous guérisse de cette maladie qui nous ronge, étant serviteur, étant servante, fidèle dans le Seigneur. Dieu nous a appelés, Dieu nous a établis, mais nous n'avançons pas parce que nous sommes malades. Nous sommes malades. Oh, que Dieu nous guérisse ce soir. Nous sommes malades. Nous avons besoin de la guérison. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier ce soir. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous guérisse. Pourquoi tu poignèche? Mangaribi ale. Pourquoi tu poignèche? Mou malaria kiro. Il a kushindisha kusimama na kuavance dans les choses de Dieu. Oh, nous sommes malades. Seigneur, viens au secours. Viens au secours ce soir. Viens au secours ce soir. Guéris-nous, oh Seigneur. Guéris-nous, Dieu de sa paix. Guéris-nous, oh Dieu très haut. Jamais.